Ce soir-là, nous fûmes 11 à table. On a mis Gaspard près de Véronique. Il restait à la regarder, oubliant son assiette, si ému de la sentir à lui, qu'il avait par moments de grosses larmes au bord des yeux. Cyprien et Aimé, mariés depuis 3 ans seulement, souriaient. Jacques et Rose, qui avaient déjà 25 ans de ménage, demeuraient plus graves. Et pourtant, à la dérobée, ils échangeaient des regards, humides de leur vieille tendresse. Quant à moi, je croyais revivre dans ces deux amoureux, dont le bonheur mettait à notre table un coin de paradis. Quelle bonne soupe nous mangeâmes ce soir-là. Tante Agathe, ayant toujours le mot pour rire, risqua des plaisanteries. Alors, ce brave Pierre voulut raconter ses amours avec une demoiselle de Lyon. Heureusement, on était au dessert, et tout le monde parlait à la fois. J'avais monté de la cave 2 bouteilles de vin cuit. On trinqua, à la bonne chance de Gaspard et de Véronique. Cela se dit ainsi chez nous. La bonne chance, c'est de ne jamais se battre, d'avoir beaucoup d'enfants et d'amasser des sacs d'écus. Puis, on chanta. Gaspard savait des chansons d'amour en patois. Enfin, on demanda un cantique à Marie. Elle s'était mise debout, elle avait une voix de flageolet très fine et qui vous chatouillait les oreilles. Pourtant, j'étais allé devant la fenêtre. Comme Gaspard venait me rejoindre, je lui dis « Il n'y a rien de nouveau par chez vous ?»« Non, répondit-il, on parle des grandes pluies de ces jours derniers. On prétend que ça pourrait bien amener des malheurs. »